Ok. Fergie, Sarah, ok. C'est une fille pleine de bonnes intentions. Pleine de bonnes intentions. Et un homme de sa propre invention. De sa propre invention. Elle n'attendait personne, il est arrivé. Il est arrivé. Ok. Et quand il ose lui demander qu'est-ce que vous cherchez, elle dit je voudrais tenter ma chance. Tenter ma chance, j'ai besoin de changer d'air, je veux entrer dans la danse. Dans la danse, ok. Aller vers la lumière, la lumière de mon enfance. La lumière de mon enfance. Mettre fin au mystère, je voudrais tenter ma chance. Tenter ma chance. J'ai besoin de besoin de changer d'air. Besoin de changer d'air. Ok. Il a toujours vécu dans l'illusion. Dans l'illusion. Elle a dû en tirer des conclusions. Conclusion. Même le jour où l'on croit au destin. On croit au destin. Un ami sourit et vous montre l'autre chemin. What? What? Il dit je voudrais tenter ma chance. Tenter ma chance. J'ai besoin de changer d'air. Je veux entrer dans la danse. Entrer dans la danse. Aller vers la lumière. La lumière de mon enfance. La lumière de mon enfance. Mettre fin au mystère. Je voudrais tenter ma chance. Tenter ma chance. J'ai besoin de changer d'air. Ne prends plus les promesses au sérieux. On peut être libre et heureux. Et ne cherche plus ta voix. C'est pour toi, faire en sorte que tu crois à ton destin, croire à tes rêves, croire à ton bonheur. Quand on veut, on peut. Si tu veux réussir, c'est le moment. Alors dis-toi que dans ta tête, laisse-toi tenter ta chance. Tenter ma chance. J'ai besoin de changer d'air. Laisse-moi tenter ma chance. Tenter ma chance. Aller vers la lumière. La lumière de mon enfance. La lumière de mon enfance. Laissez-moi tenter ma chance. Laissez-moi tenter ma chance. Mettre fin au mystère.